Chapitre 6. Découverte. Faut avouer, monsieur, dit la mère Bouvard à Rodolphe, après le départ de Rigolette, faut avouer que vous avez là une fameuse petite ménagère. Peste, elle s'entend joliment à acheter. Et puis, elle est gentille, rose et blanche, avec de grands beaux yeux noirs et les cheveux pareils, c'est rare. N'est-ce pas qu'elle est charmante et que je suis un heureux mari, madame Bouvard? Aussi heureux mari qu'elle est heureuse femme, j'en suis bien sûr. Vous ne vous trompez guère, mais dites-moi, combien vous dois-je? Votre petite ménagère n'a pas voulu démordre de 330 francs pour le tout. Comme il n'y a qu'un Dieu, je ne gagne que 15 francs, car je n'ai pas payé ces objets aussi bon marché que j'aurais pu. Et je n'ai pas eu le cœur de les marchander. Les gens qui vendaient avaient l'air par trop malheureux. Vraiment. Ne sont-ce pas les mêmes personnes à qui vous avez aussi acheté ce petit secrétaire? Oui, monsieur. Tenez, ça fend le cœur, rien que d'y songer. Figurez-vous qu'avant-hier, il arrive ici une dame jeune et belle encore, mais si pâle, si maigre, qu'elle faisait peine à voir. Et puis, nous connaissons ça, nous autres. Quoi qu'elle fût, comme on dit, tirée à 4 épingles, son vieux châle de laine noire râpé, sa robe d'alépine aussi noire et tout éraillée, son chapeau de paille au mois de janvier, cette dame était en deuil, annonçait ce que nous appelons une misère bourgeoise. Car je suis sûr que c'est une dame très comme il faut. Enfin, elle me demande en rougissant si je veux acheter la fourniture de 2 lits complets et un vieux petit secrétaire. Je lui réponds que puisque je vends, faut bien que j'achète. Que si ça me convient, c'est une affaire faite, mais que je voulais voir les objets. Elle me prit alors de venir chez elle, pas loin d'ici, de l'autre côté du boulevard, dans une maison sur le quai du canal Saint-Martin. Je laisse ma boutique à ma nièce, je suis la dame, nous arrivons dans une maison à petites gens, comme on dit, tout au fond de la cour. Nous montons au 4e, la dame frappe, une jeune fille de 14 ans vient ouvrir. Elle était aussi en deuil, et aussi pâle et bien maigre. Mais malgré ça, belle comme le jour, si belle que je restais en extase. Et cette belle jeune fille? Était la fille de la dame en deuil, malgré le froid, une pauvre robe de cotonnade noire à pois blancs, et un petit châle de deuil tout usé. Voilà ce qu'elle avait sur elle. Et l'horlogie était misérable? Figurez-vous, monsieur, 2 pièces bien propres, mais nues, mais glaciales que ça en donnait la petite mort. D'abord, une cheminée où on ne voyait pas une miette de cendre. Il n'y avait pas eu de feu là depuis bien longtemps. Pour tout mobilier, 2 lits, 2 chaises, une commode, une vieille malle et le petit secrétaire. Sur la malle, un paquet dans un foulard. Ce petit paquet, c'était tout ce qui restait à la mère et à la fille. Une fois leur mobilier vendu. Le propriétaire s'arrangeait de 2 bois de lit, des chaises, de la malle, de la table, pour ce qu'on lui devait, nous dit le portier, qui était monté avec nous. Alors, cette dame me pria bien honnêtement d'estimer les matelas, les draps, les rideaux, les couvertures. Foi d'honnête femme, monsieur, quoique mon état soit d'acheter bon marché et de vendre cher, quand j'ai vu cette pauvre demoiselle, les yeux tout pleins de larmes, et sa mère qui, malgré son sang-froid, avait l'air de pleurer en dedans, j'ai estimé à 15 francs près ce que ça valait, et ça bien au juste, je vous le jure. J'ai même consenti pour les obliger à prendre ce petit secrétaire, quoique ce ne soit pas ma partie. Je vous l'achète, madame Bouvard. Ma foi, tant mieux, monsieur. Il me serait resté longtemps sur les bras. Je ne m'en étais chargé que pour lui rendre service à cette pauvre dame. Je lui dis donc le prix que j'offrais de ses effets. Je m'attendais qu'elle allait marchander et demander plus. Ah bien oui, c'est encore à ça que j'ai vu que ce n'était pas une dame du commun. Misère bourgeoise, allez monsieur, bien sûr. Je lui dis donc, 7 ans. Elle me répond, c'est bien, retournons chez vous. Vous me paierez, car je ne dois plus revenir dans cette maison. Alors elle dit à sa fille qui pleurait assise sur la malle, Claire, prends le paquet. Je me suis bien souvenu du nom, elle s'appelait Claire. La jeune demoiselle se lève, mais en passant à côté du petit secrétaire, voilà qu'elle se jette à genoux devant et qu'elle se met à sangloter. « Mon enfant, du courage, on nous regarde !» lui dit sa mère à demi-voix, ce qui ne m'a pas empêché de l'entendre. « Vous concevez, monsieur, c'est des gens pauvres, mais fiers malgré ça. » Quand la dame m'a donné la clé du petit secrétaire, j'ai vu aussi une larme dans ses yeux rougis. Le cœur avait l'air de lui saigner en se séparant de ce vieux meuble, mais elle tâchait de garder son sang-froid et sa dignité devant des étrangers. Enfin, elle a averti le portier que je viendrais enlever tout ce que le propriétaire ne gardait pas, et nous sommes revenus ici. La jeune demoiselle donnait le bras à sa mère et portait le petit paquet renfermant tout ce qu'elle possédait. Je leur ai compté leur argent, 315 francs, et je ne les ai plus revus. Mais leur nom? Je ne le sais pas. La dame m'avait vendu ses effets en présence du portier. Je n'avais pas besoin de m'informer de son nom. Ce qu'elle vendait était bien à elle. Mais leur nouvelle adresse, je n'en sais rien non plus. Sans doute on la connaît dans son ancien logement. Non, monsieur. Quand j'y ai retourné pour chercher mes effets, le portier m'a dit en me parlant de la mère et de la fille. C'étaient des personnes bien tranquilles, bien respectables et bien malheureuses. Pourvu qu'il ne leur arrive pas malheur. Elles ont l'air comme ça calmes, mais au fond, je suis sûr qu'elles sont désespérées. Et où vont-elles aller loger à cette heure que je lui demande? Ma foi, je n'en sais rien, qu'il me répond. Elles sont parties sans me le dire. Bien sûr qu'elles ne reviendront plus. Les espérances que Rodolphe avait un moment conçues s'évanouirent. Comment découvrir ces deux malheureuses femmes ayant pour tout indice le nom de la jeune fille, Claire, et ce fragment de brouillon de lettres dont nous avons parlé, au bas duquel se trouvaient ces mots, écrire à Madame de Lucenay, la seule et bien faible chance de retrouver les traces de ces infortunés, reposait donc sur Madame de Lucenay, qui se trouvait heureusement de la société de Madame d'Harville. « Tenez, madame, payez-vous, » dit Rodolphe à la marchande, en lui présentant un billet de 500 francs. « Je vais vous rendre, monsieur. Où trouverons-nous une charrette pour transporter ces effets ? Ce n'est pas trop loin. Une grande charrette à bras suffira. Il y a celle du père Jérôme, ici près. C'est mon commissionnaire habituel. Quelle est votre adresse, monsieur ? Rue du Temple, numéro 17. Rue du Temple, numéro 17 ? Oh, bien, bien, je ne connais que ça. Vous êtes allé dans cette maison ? Plusieurs fois. D'abord, j'ai acheté les hardes à une prêteuse sur gage qui demeure là. C'est vrai qu'elle ne fait pas un beau métier, mais ça ne me regarde pas. Elle vend, j'achète, nous sommes quittes. Une autre fois, il n'y a pas 6 semaines, j'y suis retourné pour le mobilier d'un jeune homme qui demeurait au 4e et qui déménageait. « Monsieur François Germain, peut-être, » s'écria Rodolphe. « Juste, vous le connaissez ?»« Beaucoup. Malheureusement, il n'a pas laissé rue du Temple sa nouvelle adresse, et je ne sais plus où le trouver. Si ce n'est que ça, je peux vous tirer d'embarras. Vous savez où il demeure ? Pas précisément, mais je sais où vous pourrez bien sûr le rencontrer. » « Et où cela ?»« Chez le notaire où il travaille. »« Un notaire ?»« Oui, qui demeure rue du Sentier. »« Monsieur Jacques Ferrand ?» s'écria Rodolphe. « Lui-même, un bien saint homme. Il y a un crucifix et du bois béni dans son étude. Ça sent la sacristie comme si on y était. »« Mais comment avez-vous su que Monsieur Germain travaillait chez ce notaire ?»« Voilà, ce jeune homme est venu me proposer d'acheter en bloc son petit mobilier. » Cette fois-là encore, quoique ce ne soit pas ma partie, j'ai fait affaire du tout, et j'ai ensuite détaillé ici, puisque ça l'arrangeait, ce jeune homme, je ne voulais pas le désobliger. Je lui achète donc son mobilier de garçon, bon, je le lui paie, bon, il avait sans doute été content de moi, car au bout de 15 jours, il revient pour m'acheter une garniture de lit. Une petite charrette et un commissionnaire l'accompagnaient, on emballe le tout, bon. Mais voilà qu'au moment de payer, il s'aperçoit qu'il a oublié sa bourse. Il avait l'air d'un si honnête jeune homme que je lui dis, emportez tout de même les effets, je passerai chez vous pour le paiement. Très bien, me dit-il, mais je ne suis pas chez moi. Venez demain rue du Sentier, chez Monsieur Jacques Ferrand, notaire, où je suis employé, je vous paierai. J'y suis allé le lendemain, il m'a payé. Seulement, ce que je trouve de drôle, c'est qu'il ait vendu son mobilier pour en acheter un autre 15 jours après. Rodolphe crut deviner et devina la raison de cette singularité. Germain voulait faire perdre ses traces au misérable qui le poursuivait. Craignant sans doute que son déménagement ne l'ait mis sur la voie de sa nouvelle demeure, il avait préféré, pour éviter ce danger, vendre ses meubles et en racheter ensuite. Rodolphe tressaillit de joie en songeant au bonheur de Madame Georges, qui allait enfin revoir ce fils si longtemps, si vainement cherché. Rigolette rentra bientôt, l'œil joyeux, la bouche souriante. « Eh bien, quand je vous le disais, s'écria-t-elle, je ne me suis point trompée. Nous aurons dépensé en tout 640 francs, et les Morel seront établis comme des princes. Tenez, tenez, voyez les marchands qui arrivent, sont-ils chargés ? Rien ne manquera au ménage de la famille. Il y a tout ce qu'il faut, jusqu'à un grill, deux belles casseroles étamées à neuf, et une cafetière. Je me suis dit, puisqu'on veut faire les choses en grand, faisons les choses en grand. Et avec tout ça, c'est au plus si j'aurais perdu 3 heures. Mais payez vite, mon voisin, et allons-nous-en. Voilà bientôt midi. Il va falloir que mon aiguille aille un fameux train pour rattraper cette matinée-là. Rodolphe paya et quitta le temple avec Rigolette.